coureur, Patrick. Un coureur est tombé dans le ravin, Patrick. Sur notre gauche. Un coureur est tombé. Un coureur est tombé. Il s'agit d'un coureur. Attendez, je vais regarder descendre de ma moto. Je regarde bien Luc Sezoule. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode des commissaires de course. Aujourd'hui donc un nouveau volet de notre sortie du dimanche, consacré principalement aujourd'hui au critérium du Dauphiné libéré. Et ce soir, pour nous accompagner, on retrouve Greg. Bonsoir tout le monde. Théo. Bonsoir à tous. Et Benjamin. Ohayo gozaimasu. Et bonsoir à vous, chers commissaires. Bien, une course qui a commencé déjà aujourd'hui avec une étape qui était un peu en mal plat, remportée par Edvald Boasson-Hagen, qui règle un groupe d'une soixantaine de coureurs. Hein, il remporte l'étape devant Philippe Gilbert et Wout Van Aert. Voilà. Déjà, je vais vous interroger sur votre impression générale sur le parcours. Et pour ça, nous allons commencer par Théo, puisque c'est toi sur le forum qui a pris le temps de nous faire une présentation assez détaillée du parcours, donc tu l'as bien en tête. Et tu avais commencé en introduction pour nous présenter un parcours, on va dire, assez allégé. Hein. On peut dire, pour reprendre la formule, c'est un gratin dauphinois assez allégé en substance. C'est bien ça. Ouais, c'est ça exactement. On a l'habitude que le Dauphiné soit une des courses par étapes les plus dures de l'année. Et là, cette année, vraiment, on a une version très très light de ce qu'a pu être la course dans le passé. Un truc tout simple, c'est que le sommet, le toit de la course se situe à 1584 mètres. On va jamais dépasser les 2000 mètres, on ne va même pas les approcher. Donc pour une course de haute montagne, une course dans les Alpes, ça l'a fait mal. Après, je peux un peu commencer un peu par détailler le parcours pour savoir ce qui va nous attendre cette semaine. L'étape de demain, ça risque d'être une étape un peu comme aujourd'hui, où on va peut-être avoir un groupe d'échappés. Bon, c'est quand même une étape qui sera plus exigeante avec moins de portions de plat, mais ça finit sur presque 20 km de plat, donc on risque pas d'avoir de gros coups pour le général. Le lendemain, on a un sprint, donc bon, ça va être une étape où il faut allumer la télé à 5 km de l'arrivée. Sauf que les sprints du Dauphiné, c'est souvent un peu étrange parce qu'il n'y a pas beaucoup de sprinteurs. Mais bon, voilà, il en faut bien au moins une dans la semaine. Et ensuite, on tombe sur le premier moment clé de la semaine, ça va être le contre-la-montre. Le contre-la-montre du mercredi, qui est un contre-la-montre assez intéressant, je trouve. Parce que il y a des longues lignes droites où il faudra emmener de la bracasse. Il y a une montée qui est quand même assez dure, à 7,5% de moyenne, avec une descente qui a l'air assez technique. Donc on risque pas de retrouver un pur rouleur. Enfin, voilà, c'est un contre-la-montre parfait pour un coureur de classement général. Je vais rapidement sur les étapes qui sont pas très intéressantes. Après, j'irai demander vos avis pour celles qui le sont vraiment. L'étape du lendemain du contre-la-montre, c'est une étape plate globalement, même s'il y a un peu de grimpette, avec un final un peu tortueux. Ça peut être une course assez bizarre, mais là encore la course va pas se jouer, et c'est à partir de vendredi que les choses sérieuses commencent. Et surtout, c'est à partir de vendredi qu'on a les plus grosses déceptions. Benjamin, qu'est-ce que tu penses de cette étape de vendredi? C'est une étape pas mal pour Paris-Nice, hein, parce que non mais pour un Dauphiné, c'est ridicule. Alors à la limite, le vendredi, parfois au Dauphiné, on a eu des étapes de moyenne montagne ou quoi qui préparaient un gros week-end, puisque je le rappelle, le Dauphiné, qui dit Dauphiné dit Alpes, et qui dit Alpes dit Madeleine, Chamrousse, Galibier, Mont-Ventoux sinon, qui sera le lundi, mais qui ne fera pas partie du Dauphiné. Et donc grosse ascension mythique des Alpes qui monte, comme tu disais, à 2000 mètres, ce qui n'est pas le cas ici. Hormis la seule ascension à sauver, c'est les 7 lots, c'est samedi. Mais encore une fois, courte étape, 132 km, un pourcentage moyen de 7%, une longueur de 19 km, ça c'est bien, mais après l'altitude 1500 mètres, ça va être décevant. Et alors dimanche, ça va être la soupe à la grimace chez les suiveurs, dans le sens où je pense, Greg, qu'après le compte de la montre, le classement général peut être totalement figé. Oui, ça peut être figé. Peut-être qu'on aura, enfin, On attend toujours au Dauphiné, on regarde toujours d'un œil particulier hein, les coureurs que l'on attend sur le Tour de France, les leaders, hein, il y a Froome, Bardet, Pinot, Fuglsang, etc., ou Dumoulin. Et voilà, peut-être que le fait que ce Dauphiné soit pas très montagneux et finisse notamment, enfin, les serait sur la dernière étape, vous avez très très léger sur l'étape de dimanche, hein, puisque ça termine à Champéret avec 6 km à 4,5%. Ce qui est très léger, donc on peut peut-être avoir un vainqueur surprise, plus rouleur-grimpeur que réel leader sur les étapes de enfin, sur les grands tours. Après, parfois, on a l'inverse de ce qu'on espère, enfin, qu'on espère, qu'on attend. Par exemple, sur le Giro cette année, avec le parcours et les trois chronos notamment, on s'attendait vraiment à un coureur qui roule vraiment bien. Et on a eu un grimpeur qui gagne. C'était pareil en 2011, à l'inverse, sur le Tour de France, où il n'y avait quasiment pas de chronos. Et c'est l'année où Cadel Evans l'emporte. Donc peut-être ça peut changer, mais en fait toutes les ascensions sont tellement courtes ou tellement avec un très léger pourcentage que ça va être compliqué et presque l'étape de demain pourrait être celle la plus compliquée à gérer pour une équipe de leaders, ce qui est quand même terrible à penser. Oui, parce que enfin, pour rebondir, finalement, l'étape d'aujourd'hui était plutôt sympa à regarder, hein, parce que les sprinteurs ont été assez vite lâchés. Il y a eu une belle échappée avec des mecs costauds. Et le final a été assez incertain, donc c'était intéressant. Et moi, je pense aussi que demain, l'étape risque d'être intéressante, et peut-être la plus intéressante de la semaine. Et voilà, ça sera peut-être demain. On a sur le live Théo, un certain Charles Marceau, Il sait. qui demande, n'est-ce pas injuste de ne pas voir Vittel Concept sur le Tour de France au vu de leur belle perf d'aujourd'hui? Bon, il charrie un peu. C'est sûr que Vital Concept, c'était pas glorieux. Je crois que le premier coureur, c'est Quentin Paché qui rate de peu Comme le d'hab. premier groupe, Comme souvent, qui hein. Dès termine que 61e. l'étape est effectivement un peu accidentée, c'est souvent le sol de chez Vital un peu surnagé. Mais bon, c'est sûr qu'on a plus vu Vital briller autre part que sur le Dauphiné. Et c'est sûr que un seul coureur à moins de 10 minutes, c'est totalement ridicule. En plus, c'est censé être le groupe grimpeur de Vital Concept qui est sur cette semaine. Bon, attendons, la semaine est longue. Pierre Roland, il a des références sur le Dauphiné, même encore l'an dernier, même s'il paraît pas être dans une grande forme. Peut-être qu'ils arriveront à Oh, se montrer, il a mais en peut-être tout fait cas, exprès pour l'instant, aussi c'est catastrophique. Oui, il a peut-être fait exprès de perdre du de temps faire aujourd'hui. grouper tôt Pour demain. pour avoir de l'avance pour les échapper. Là, il termine un quart d'heure avec le groupe Eto avec Donc là, Boeti, je attendez, parce que là rappelle. on va peut-être Ouais. un peu trop vite Oui, dans pardon. l'émission. Avant de rentrer dans le détail des coureurs et de réexaminer les chances des uns des autres et en particulier les Françaises, je voulais donc revenir un peu sur votre impression générale. On en avait aussi parlé en off juste avant. L'impression finalement que ça ressemble plus à un parcours du Paris-Nice, un parcours de début de saison où on peut retrouver quand même des difficultés, mais qui vont jamais monter très haut parce que il y a encore les risques de neige à cette période de l'année. Là, ça devrait aller, je pense. J'ai regardé la météo à 1500 mètres. Oui. Normalement, tout ira bien. Pourtant, pour un 15 juin, je pense que ça passera. Non mais vous êtes d'accord, finalement ça ressemble un peu à ça. Et surtout, bon, si on a on a quand même quelques étapes accidentées, hein. Celle de demain, comme le soulignait Greg, effectivement peut être intéressante. On a quand même une belle petite vacherie à 18 km de l'arrivée. Alors c'est ça le problème, c'est qu'elle est située peut-être un peu loin pour permettre ensuite de faire de vrais écarts. Mais Non, ouais. non, non, en fait, Max, excuse-moi, Oui? je te coupe. L'étape de demain, elle est très bien tracée et les coureurs Oui. doivent faire la course dès le départ. Tu sais, c'est les petites routes un Oui, peu. oui. Alors, chaque fois que je vois un profil comme ça, je pense à Mende de 1995 où Jaja avait fait un numéro. Mais non, non, c'est des vraies étapes c'est un profil très compliqué à contrôler. C'est pas ça le problème. Cette étape de demain, elle est bien tracée. Comme a dit Théo tout à l'heure. Il l'a présenté, il va y avoir un suspense. Est-ce que les sprinteurs vont revenir? Selon moi, non, mais on ne sait pas trop vu qu'il y a 18 km après la dernière difficulté. Mais c'est le week-end, Oui, la voilà, fin de c'est ça. semaine, Moi, ce où qui ça m'embête, monte c'est pas. ce sont les deux dernières étapes. L'avant-dernière qui va pas permettre une course de mouvement, puisque la dernière difficulté étant la Plus plus long. dure, justement, la plus longue. Enfin, il y a bonne chance quand même qu'on voit les prétendants au classement général se réserver pour la dernière montée. Et ensuite, c'est surtout la dernière étape qui est assez décevante. Parce que là aussi, c'est difficile d'imaginer qu'elle puisse vraiment créer des écarts ou provoquer un mouvement. Enfin, voilà, j'ai l'impression, voilà, c'est surtout ce week-end-là qui nous laisse un peu sur notre faim. Mais est-ce que ce n'est pas une certaine façon, une manière un peu provocatrice de nous préparer à ce qui risque d'arriver en juillet, où on a des parcours qui ne sont pas non plus des plus sélectifs? Ah, je suis pas d'accord. Oh, ah, je suis pas d'accord. Je le dis exprès de manière provocatrice. Désolé, je prends la parole. Mais, vas-y, vas-y. Non. Après, je vais laisser la parole à Théo parce que je vois qu'il voulait réagir, mais et qu'il a beaucoup de choses à dire. Mais tout simplement, en juillet, non, t'as planche des belles filles après une très grosse étape. T'as les Pyrénées avec des gros pourcentages, certes, il n'y a pas forcément d'enchaînement. Et t'as les Alpes où toutes les arrivées seront à plus de 2000 mètres d'altitude. On va aller toucher les 2500 mètres. Non, il n'y a rien de ce Dauphiné. En fait, ce Dauphiné, alors on va voir qui sera fort, qui sera pas fort, mais ça va, contrairement à certaines années, ça va vraiment donner peu d'indications par rapport au Tour de France. Bah, on va y venir. Donc, à moins que l'un de vous ait encore envie de revenir une dernière fois sur le parcours, je voulais donc aborder a priori la deuxième partie, c'est-à-dire. Si je peux juste dire un petit mot, Max, c'est que ASO, c'est pas des abrutis. Enfin, ils savent ce qu'ils font et ils se sont bien rendu compte quand ils ont fait le parcours que c'était très light. Et donc, je pense qu'il y a une raison. C'était peut-être ça nous permettra d'enchaîner sur la deuxième partie, de pouvoir se garantir la présence de nombreux leaders qui savent qu'ils vont pas trop taper dedans sur cette course, surtout qu'ils auront du temps pour récupérer après. C'est ça, oui, c'est une réflexion qu'on a déjà eue lorsqu'on parlait des différents parcours en miroir, le Tirreno et le Paris-Nice, ou aussi celui du Tour de Suisse avec celui du Dauphiné. Parfois, il avait été critiqué comme étant un peu trop dur, et comme il arrive en plus tard par rapport au Dauphiné, il a eu tendance à proposer des parcours un peu plus faciles ces dernières années afin de venir faire venir un peu de monde. Mais du monde quand même, il y en aura beaucoup du coup sur ce Dauphiné justement, parce que si le parcours n'est pas folichon, par contre, on a une liste de participants pour le moins solide. Et on retrouve. Il y a le Tour de Catalogne un peu. Voilà, c'est ça. C'est ça. Parcours à la con, pléiade de favoris. Voilà, alors est-ce qu'on est obligé toujours passer par là, par proposer finalement des parcours un peu édulcorés pour faire venir du monde, sans trop leur faire peur? J'espère que ce n'est pas une tendance qui va s'inscrire dans la durée. Je ne sais pas ce que vous en pensez, si vous avez aussi un avis là-dessus. Benjamin, tu avais l'air assez oui, chaud pour continuer, je t'en prie. Merci. Ouais, ben non, en plus pas du tout, parce que même avec un parcours dur, on l'a vu les précédentes années, il y avait du monde tout le temps sur le Dauphiné. Je me suis amusé à faire un comparatif Dauphiné et Tour de Suisse, puisque c'est l'épreuve des voisines d'en face, on va dire. Par rapport au Tour de France, puisque ces épreuves sont devenues au fil du temps plus des courses en elles-mêmes, mais également des courses de préparation par rapport au Tour de France. Or, le vainqueur du Tour de France sort du Dauphiné donc l'an dernier. Froome sort trois fois vainqueur du Dauphiné et une fois quatrième. Nibali septième du Dauphiné, Wiggins premier, Evans deuxième du Dauphiné, Contador deuxième qui s'est fait déclasser, troisième, sixième du Dauphiné, Sastre 20e, Perrault 14e. Donc tout ça, c'est des vainqueurs du Tour de France qui étaient sur le Dauphiné. Par contre, j'ai regardé par rapport au Tour de Suisse. On rappelle qu'il y a quand même une semaine après, donc il y a moins de récupération par rapport au Tour de France. Le parcours est parfois plus dur, pas tout le temps, puisqu'on se rappelle des époques Cancellara. Voilà. En 2018, le premier coureur qui a fait le Tour de Suisse, c'est Kreuzweig, 5e. En 2017, Caruso, 11e. Puis Thomas, 16e. Gesing, 6e. Pinot, 3e. Il avait abandonné le Tour de Suisse, donc on est en 2014. Kreuzinger, 5e en 2013. Pinot, 10e en 2012. Andy Schleck, second du Tour de France en 2011. Et Andy Schleck qui gagne le Tour de France, rappelez-vous, il avait un plan. Oui. Et ce plan a abouti quand Contador s'est fait déclasser, qui remporte le Tour de France en sortant du Tour de Suisse. Sinon, après, il fallait remonter à Lance Armstrong en 2001. D'ailleurs, sur ce Tour de Suisse où il s'est fait contrôler positif, il aurait dû être déclassé. Bon, bref, on ne va pas revenir sur les affaires de l'Américain. Tout ça pour dire que donc, on sait qu'une préparation qui marche, tous les coureurs vont le suivre. Pinot disait dans une interview que aller faire des stages en altitude, c'était un effet de mode. Les vainqueurs du Tour de France sortent tous du Dauphiné, donc tous les favoris vont aller sur le Dauphiné. Il n'y a absolument pas besoin de faire des parcours light. D'ailleurs, même les coureurs qui sortent du Tour de Slovénie ou de la Route du Sud, maintenant Route d'Occitanie, font de meilleures performances que ceux qui sortent du Tour de Suisse. Donc, non, le parcours, c'est une. Je ne sais pas qu'est-ce que ASO a. Quand ils sortent une étape de 100 bornes, 110 bornes, ouais, je peux comprendre, c'est différent. Mais non, faire que ça, ils ont pété un câble. Donc oui, au niveau des favoris, avantage clair au Dauphiné. Alors, c'est dû à certaines choses. Il y a un effet de mode, effectivement, aussi, notamment avec les Sky qui avaient tendance à favoriser aussi le Dauphiné. Et puis le fait qu'il soit non, mais mieux placé, je pense, dans le calendrier. Oui, continue à remonter, et Indurain faisait le Dauphiné également. Oui, bien sûr. On sait que, effectivement, en général, les derniers vainqueurs de Tour de France sortent plutôt du Dauphiné. Après, pas forcément vainqueurs. Donc, on va voir dans quelles conditions vont aborder les favoris justement de ce classement général. Il y en a pas mal, hein. Mais le dernier vainqueur du Tour de France, lui, justement, n'est pas là. On sait que avec Froome, ils se sont préparés tous les deux un calendrier de course vraiment particulier, de manière à pratiquement, je crois, qu'ils ne se sont pas croisés une seule fois depuis le début de la saison, et ils vont se retrouver donc ensemble sur le Tour de France. Ça doit être ça. Voilà, donc est-ce que vous avez, vous, des favoris pour cette course, pour le Dauphiné, que vous aimeriez mettre à l'honneur? On va commencer par Greg. Oh, merci. Je te refile la patate chaude. Delco ne participe pas à la course. Oui, malheureusement. Quelle injustice. Ben, moi, si je veux un nom, je dirais peut-être Fuglsang. Bon, comme ça, je le sens bien. Je pense qu'il, lui, il a peut-être besoin de se prouver quelque chose après sa belle campagne de classique. C'est le vainqueur sortant. En plus, ouais. Et donc je pense que voilà, peut-être que lui, il y tient beaucoup plus que d'autres comme Froome, que je vois plus en préparation sur le long terme. D'accord. Alors, comme ça, un petit pronostic sur justement Christopher Froome. Vous le voyez à quelle place on va commencer par toi, Greg. Alors après, moi je sens aussi, pourquoi pas, si Kwiatkowski fait un gros chrono, c'est mercredi je crois. C'est ça. Froome faire l'équipier gentil pendant quelques jours pour accompagner son copain. Et est-ce qu'il va vraiment jouer le général jusqu'au bout? Je sais pas. Hein. C'est possible qu'il se contente de faire le chrono à fond, quelques étapes en équipier, peut-être une étape de montagne à fond. Mais est-ce qu'il va être à 100% sur l'objectif de gagner le... Tu ne vois pas forcément s'accrocher au général, en fait, pour faire... Non, peut-être faire comme l'année où... Peut-être l'année comme l'année où il a fait perdre porte, rappelez-vous, où il s'amuse un petit peu et n'est pas... Charles doit s'en souvenir. C'était en 2017 quand Fuglsang gagne. Je ne suis pas trop d'accord avec toi, Greg, parce que ce n'est pas vraiment la même situation. En 2017, Froome, dans son équipe, à part lui, il n'y a personne qui a gagné le Tour de France. Et là, cette année, il n'a pas vraiment de résultat de référence. Et s'il fait encore l'équipier et que derrière, Geraint Thomas gagne le tour de Suisse, ça risque d'être un peu compliqué pour lui. En plus, Kwiatkowski, cette année en montagne, c'est pas vraiment ça. Alors, le Dauphiné a beau pas être fantastique, la dernière montée de samedi, c'est quand même presque 20 bornes. Et je vois Kwiatkowski prendre un tir. Donc, je pense que Froome va jouer le général à fond. Effectivement, je suis pas sûr qu'il soit au meilleur de sa forme. Mais avec le parcours et le chrono, je le vois mal hors du podium sur cette course. Après, forcément, pour faire des pronostics, vu que c'est une course de reprise pour quand même pas mal de coureurs, oui. on est un peu à l'aveugle, quoi. Et avec l'étape d'aujourd'hui, on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent. Après, je pense qu'il y a une chose qui pourrait être sûre, c'est que les Français qu'on risque de voir au Tour de France, enfin les plus en vue au Tour de France, ne risquent pas de se montrer beaucoup sur ce Dauphiné, que ce soit Bardet ou Thibaut Pinot, qui n'avait pas l'air d'être très très bien dans la bosse aujourd'hui. Je pense pas qu'ils ont fait du Dauphiné un objectif majeur, et je pense qu'il faudra pas s'inquiéter si on les voit pas jouer les premiers rôles. Alors, il y a un autre bon point pour toi, Théo, c'est que sur le chat, Baptiste nous dit qu'il est d'accord avec toi. Et comme on sait depuis la dernière émission que Baptiste a toujours raison, Ça fait quand même déjà. Moi, je me suis fait sortir sur l'orige à élimination parce que j'ai suivi ses conseils. Hein, donc... Oui, oui, les conseils de Baptiste sur le tour d'Italie, c'était autre chose. Comme porte avec Froome, il m'a fait perdre moi aussi. Mais à propos de porte, est-ce que ça serait pas genre bon, qui sort un porte qui sort d'une part, c'est un parcours un peu parfait pour lui. S'il y a des descentes, il y a l'étape de vendredi qui se termine par une descente qui risque d'être rédhibitoire. Mais voilà, est-ce qu'on va assister à la renaissance de Porte? C'est un débat qui peut être enclenché. Ah, il serait temps pour lui qui commence à envoyer maintenant des signaux un peu positifs à l'approche de la grande échéance de juillet. Enfin, généralement, les signaux positifs à l'approche du tour, c'est pas une bonne idée. Hein. Oui, ouais. Oui, mais oui. Moi, la formule Porte, est peut-être malheureuse, excuse-moi. Richie Porte, je le vois sur le podium. Si on a une course qui se lance de loin, on ne sait pas quelle mouche piquerait les favoris pour porter leur couille, mais si c'est une course de base, c'est-à-dire la course de côte, je vois vraiment Porte haut, comme l'an dernier au Tour de Suisse, hein, il avait été fort. Si par contre la course est de loin, Richie Porte, on ne l'a jamais vu très bon en course de loin. Bon, après, l'an dernier non plus, on n'avait pas eu faux, mais exceptionnel, et puis il nous a sorti l'étape du Finestre fantastique. Sinon, comme Greg, Fuglsang, avec tout ce qu'il a montré cette année, me semble très fort. Après, il y a Julian Alaphilippe, on sait que généralement en juin, il a changé son entraînement, puisque jusqu'au classique, il privilégie le punch. Il grimpe beaucoup mieux en juin, ça monte pas trop. Donc attention à Alaphilippe, même s'il peut prendre un tir. Samedi, et le dernier coureur que je citerai, c'est peut-être TJ Van Garderen, ceux qui aiment bien le Dauphiné libéré, histoire de donner des espoirs pour bien s'écrouler en juillet ensuite. je pense qu'il a un profil pour faire quelque chose. D'accord. Et toi, Max? Bah, je regardais justement rapidement la liste des participants, et notamment l'équipe qui était autour de Richie Porte. C'est un peu léger, hein. Quand on voit Julien Bernard, c'est méritant, mais c'est surtout justement d'ailleurs là où il est plus à l'aise, c'est quand il est tout seul, c'est-à-dire en baroudeur, donc pas vraiment en train d'aider ses leaders. Et les autres, Nicolas Hegg peut-être, s'il arrive à montrer des petites choses en montagne, mais enfin il risque d'être rapidement isolé. Et tu veux pas prononcer le nom du laiton de l'équipe Tom Skuyns. C'est comme ça que je le prononcerai, mais je suis sûr que les laitons ne le prononcent pas du tout de cette façon. Quelle horreur, je me souviens du dernier Tour de France, c'était vraiment horrible. qui est un peu en retrait Squinch. D'ailleurs par rapport à l'année dernière. Non, après on peut tabler aussi sur des coureurs un peu opportunistes qui aiment bien les courses d'une semaine, comme chez Bora par exemple, on sait que c'est une équipe qui aime bien privilégier aussi les courses là dans le calendrier, donc je vois bien effectivement Buchmann, je le vois tout à fait aussi à l'aise, alors pas forcément pour la victoire mais pour un top 5, ça paraît assez évident. Moi j'aimerais bien voir aussi un peu Daniel Martin se mettre à l'avant, c'est une course aussi en général qu'il aime bien. Julien Alaphilippe, bon, il y a pas mal d'étapes qui sont dessinées vraiment pour lui. Aujourd'hui d'ailleurs, tiens, sur le chat, certains ont dit peut-être que l'erreur, c'était pas une erreur de voir Alaphilippe emmener Gilbert plutôt que le contraire. On verra bien pour la suite des événements. Curieux de voir aussi comment il va résister ou pas sur la grosse montée de la 7e étape. Et puis, il y en a d'autres qu'on n'a pas encore cités et qui sont là à l'affût, dont une victoire finalement ne constituerait pas forcément une grosse surprise. Quelqu'un comme Steven Kruiswijk, vous voyez, ouais, j'ai pas peur de le prononcer non plus, ou Nairo Quintana, là c'est un peu plus simple. Oui. Quintana, ça va manquer de pourcentage et d'altitude, je pense. Quand même. Peut-être Adam Yates, tu vois. Oui. Plus. Oui, peut-être. Aussi. Mais j'ai tellement de mal à lire ce parcours. C'est vraiment compliqué de savoir. En plus, comme on a dit tout à l'heure, les coureurs sont en préparation. La plupart reprennent sur le Dauphiné. Bien malin, qui pourrait dire le favori. Bon, forcément, on pense à Froome qui peut être fort, mais. Voilà. Est-ce que. On pense qu'il peut avoir un petit avantage grâce au contre-la-montre, mais comme le signalait Théo, attention. Oui, mais Dumoulin aussi. Hein. Oui, ou un Porte qui, sur ce genre de parcours un peu accidenté, en général, est plutôt à l'aise. Ouais. Après, comme dit Baptiste sur le chat, Porte, des fois, c'est maximum, mais des fois, c'est médiocre. Voilà. Je vous propose maintenant de faire un petit focus sur les coureurs français. Il nous reste plus beaucoup de temps. On risque un peu de déborder. On profite de l'absence de Baptiste. Voilà, alors pareil, pour les Français, ça constitue une échéance importante. Pour certaines équipes, notamment les Conti Pro, c'est pratiquement un objectif. Pour d'autres, les World Tours, c'est plutôt une course quand même de préparation, mais dans laquelle il faut quand même se montrer. Voilà, on retrouve nos grands leaders de grands tours, à savoir Thibaut Pinot et Romain Bardet. Donc, je ne sais pas quels sont leurs objectifs sur cette course et à quelle place vous vous attendez à les voir. Il me semble que vous avez lu quand même deux, trois choses là-dessus. Benjamin? Oui, écoute, Thibaut Pinot et Romain Bardet ont plutôt dit qu'ils se préparaient pour le Tour de France. Surtout Romain Bardet qui a vraiment insisté sur ça, comme quoi ben, pour cette fois, le Dauphiné servirait. Alors, ces mots exacts, c'est il va se servir du Dauphiné comme d'un tremplin pour le Tour de France. Donc, il vise pas grand-chose. Je pense pas qu'on devrait s'attendre à les voir voltiger les Français, même si Bardet a bien réagi aujourd'hui sur la bosse. Bon, après, c'est un parcours, pardon. C'est un effort qui lui convient puisqu'il est à l'aise sur les Ardennaises. Pinot a eu un peu plus de mal, comme a dit Théo tout à l'heure, même s'il n'était pas non plus vraiment largué. On a vu par contre David Godu très incisif. Je ne sais pas trop à quoi on peut s'attendre. Je remarque par contre que Warren Barguil a terminé dans les 61ers. Donc, c'est déjà mieux qu'en 2018 et surtout qu'en 2017, où il revenait de blessure là aussi. Et attention, peut-être le Français qui pourrait faire la meilleure impression, mais ça manque d'étapes de vraie montagne, c'est Guillaume Martin qui est vraiment à l'aise depuis le début de l'année. Et qui risque de prendre un tir au contre-la-montre. Oh, c'est pas il risque, c'est il va. Ouais, je t'en prie, bah continue du coup, Greg. Non, mais je suis assez d'accord avec l'analyse de Benjamin, que est-ce que c'est toujours la question qu'on se pose, est-ce qu'ils seront à 200% sur les étapes, à l'attaque, prêts à tout pour gagner, on renverse la table, etc. Je suis pas vraiment convaincu. Il y aura peut-être des étapes test où s'ils se sentent bien, ils tenteront. Bah, évidemment, le contre-la-montre, ils vont le faire à fond pour se tester, mais après, dans les étapes entre guillemets de montagne, c'est vraiment s'ils se sentent, ils vont peut-être faire quelque chose. Après, peut-être, on verra certainement dans les échappées Pierre Roland, hein, qui a déjà pris aujourd'hui, qui est dans le groupe Eto'o à 15 minutes. Donc, Il a pris j'espère que c'est son pour. tir, voilà, Ouais. maintenant il est tranquille. J'espère que c'est pour être tranquille dans les échappées. Oui. C'est sûr qu'il avait vraiment besoin de faire ça parce qu'après le chrono, il risquait d'être proche des leaders. Donc, vraiment, il a bien Ouais, fait de prendre de la mais marge. tout à fait d'accord avec Théo. Alors, la seule chose où ça collerait, ça serait pour demain. Mais bien évidemment, ce qu'il n'aura pas prévu, c'est que même s'il est dans l'échappée, il va se retrouver avec des gars qui ne sont pas relevés. Donc ça n'aura servi à rien. Si vraiment il s'est relevé, c'est d'une connerie. D'ailleurs, demain, c'est peut-être l'étape où on verra Romain Bardet offensif, puisque je crois que ça passe pas loin de chez lui. Ça passe par Voilà. Brioude, ouais. Avec une météo pas terrible, hein, demain. Ah! C'est Très bien. peut-être là où Chris Froome va laisser ses chances sur le Tour de France. On nous a aussi signalé sur le chat, je crois, un risque de vent. Alors après, je ne connais pas du tout la région pour l'étape de jeudi, donc celle qui suit le contre-la-montre. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres Français? Bon, alors c'est vrai on a parlé des grimpeurs. Peut-être un petit zoom sur les sprinteurs pour lesquels ça rigole pas trop pour l'instant, en tout cas sur ce Dauphiné après cette première étape. On a vu apparemment Nasser Bouhanni un peu en souffrance. Je ne sais pas qui c'est qu'il y avait d'autres. Je pense Venturini, je crois. Il me semble. Oui, pour les Quelqu'un veut bien sprinteurs. confirmer, oui, parmi les sprinteurs. Il y a Manzin, sinon. Oui, mais enfin, vraiment, le plateau de sprinter du Dauphiné est déjà pas très impressionnant. Et les Français sont pas les plus impressionnants de ce plateau pas impressionnant. On risque de plutôt retrouver Odeg, Hodge, pardon, Sam Bennett, Cole Brély. Sinon, le reste, c'est plutôt des seconds couteaux sans leur faire offense. Même Van Aert, à mon avis, qui jouera les sprints. Bah, ça Ouais, serait donc. intéressant de voir ce que fait Van Aert sur ce parcours pas trop montagneux non plus. Parce que Van Aert a longtemps eu des bons temps de référence sur Strava, dans pas mal de cols dans les Vosges. Donc, est-ce qu'il va essayer de s'accrocher? Bon, on sait qu'il est un peu lourd, mais bon, ça peut être un des trucs intéressants à regarder cette semaine Oui, sur en le tout cas, Dauphiné. aujourd'hui, il a passé sans problème, hein, puisqu'il finit aussi troisième de l'étape. Donc, ce sera aussi une des curiosités, je pense, de ce Dauphiné. Voir comment il se situe par rapport à tout ça, à ses limites en montagne, notamment. Bien, écoutez, l'émission va toucher à sa fin. Je pense qu'on peut faire peut-être. On a, allez, 2 minutes, quand même, un dernier petit zoom sur les courses qui sont aussi terminées, qui sont déroulées, pardon, cette semaine et qui sont sur le point de se terminer. Boucle de la Mayenne et aussi le Tour du Luxembourg. Voilà, on peut dire que c'était globalement une belle semaine, finalement, pour la Cofidis. Très très belle. Oui, parce qu'elle fait carton plein sur Luxembourg, parce que si je compte bien, c'est 5 victoires en tout, il me semble, hein, avec le Ouais, général. avec le général, ouais. Voilà. Donc un petit zoom là-dessus pour commencer. Greg, tu veux bien? Ben, pour le Luxembourg, après, je laisserai pour la Mayenne la parole à mes Ouais. collègues. Mais oui, sur le Luxembourg, c'est un grand succès pour Cofidis avec Laporte qui gagne le prologue et la première étape. Et Rada qui gagne la 3 et la 4 et le général. Donc oui, c'est un grand succès pour eux. Bon, même si le plateau ne faisait pas rêver, c'était quand même bien d'être présent avec des profils différents, avec des étapes pas toujours faciles, des petites routes, pas toutes plates, pas faciles. Donc, c'est oui, c'est une très belle semaine au Luxembourg pour Cofidis. Ça va leur faire du bien. Ils étaient pas forcément, ils avaient pas forcément la confiance. Là, je pense que ça va les remonter. En plus, c'est Rada et Laporte, leur leader, qui font feu de tout bois. Donc, ça va tirer l'équipe vers le haut. Oui, et puis c'était comment dire, des victoires aussi avec la manière, on peut dire. Rada, là, il s'impose de manière assez convaincante, en mettant plusieurs longueurs à ses rivaux. C'est une victoire tout en maîtrise qui va rassurer l'équipe. Greg n'en parle pas, mais on a encore une fois une belle semaine de Delco, avec notamment Julien Alfares qui fait. Alors je crois que tu avais dit Greg, son 12e top 10 de l'année, c'est ça? C'est ça, ouais. Anthony Turgis qui a été pas mal également. Et puis. Grosso aussi. Pardon? Grosso. Oui. Qui fait second derrière Winning sur la deuxième étape. Il fait On a troisième sur la première aussi. Combo et Rochas qui sont pas loin non plus. Et il y a également les boucles de la Mayenne où on a eu une belle course, notamment par rapport aux conditions climatiques, où ça a été un peu la tempête il y a 2 jours. Du coup, on a eu une course débridée. Et aujourd'hui, ben, victoire de Brian Cocard, donc les Vital Concept qui sont pas du tout, mais alors pas du tout à la fête sur le Dauphiné, et qui peuvent voir un petit rayon de soleil avec cette victoire vraiment en costaud de Brian Cocard sur l'étape. Et par contre, c'est assez rare pour le souligner, c'est Thibaut Ferras qui l'emporte au classement général, et c'est peut-être la plus belle victoire de C'était ta Nature seule victoire, c'est la Forever première victoire de Cofidis sa Métropole. carrière. Mais même de son équipe, je crois que c'est la plus belle, hein. Et en tout cas, ça donne vraiment voir une course comme ça donne vraiment envie de voir les Coupes de France télévisées parce qu'on voit que même si le parcours sur le papier est pas fantastique, le fait que les équipes soient pas forcément très fortes, très organisées, ça donne du vélo très très intéressant à regarder. Même aujourd'hui, il y avait du suspense jusqu'au bout avec Kevin Le Quinf qui a cru gagner et Cocquart qui a surgi de nulle part sur la ligne, c'était assez sympa à voir. Oui, alors Ouais. est-ce que vous voulez vous risquer un petit prono, un petit podium pour le Dauphiné en guise de conclusion pour l'émission? Moi, je veux bien. Allez. Donc, en 3, je vais mettre allez, Alaphilippe, parce que il faut toujours que j'ai un français dans les pronostics. En 2, j'arrive jamais à le prononcer, Burkman. Bourman. Ouais, Burman. Ah. Et en victoire. Ah, c'est compliqué. Allez, Dan Martin. Je sais pas pourquoi je dis ça en plus. Non, on oublie Dan Martin. Fuglsang, allez, hop. J'ai un prono un peu particulier. Et de toute façon, vu que j'aime pas trop jouer au pif, je vais viser la. Je vais essayer de perdre. Donc je vais dire Maxime Cam sur la première marche du podium. Devant William Bonnet qui sera deuxième de peu devant Jaco Venter de la dimension d'Aza, je pense qu'il mérite d'être placé sur ce podium. D'accord, c'est le Dauphiné à l'envers là dont tu nous parles? Exactement. Greg? Bah, comme je suis prendre Fuglsang, je vais changer. Je vais prendre d'abord, enfin, on va dire victoire de Yates. Bah, je vais faire plaisir à Charles, je veux dire, devant Richie Porte et devant Katowski, puisque j'en ai parlé tout à l'heure. Voilà. Bien, alors, Et toi, Max? je vais me risquer un tout un peu différent. Cette fois, donc, on va mettre Kreuzhake sur la plus haute marche devant Fuglsang et Chris Froome. Voilà. Mais bon, il y a du monde, donc ça fait effectivement beaucoup de choix, de combinaisons possibles. Là, on a tapé finalement tous un peu dans des noms un peu différents, avec un peu de Ouais, chance. surtout Théo. Avec un peu de chance, l'un de nous quatre, même Théo, on aura au moins un dessus. Voilà. Bien, écoutez, je pense que c'est le bon moment là pour clore Attends, l'émission. Max. Ah, Max, oui, j'ai oublié. il m'encule ici. Ah Il oui. m'encule, ça vide pas. Alors, Ah oui, oui, il m'encule ici. bravo, bravo, vous avez réussi à la placer. Donc, au départ, on ne comptait pas en parler. Il y avait aussi le Grand Prix Lugano avec cette magnifique victoire de Diego Ulissi. Comme ça, on pourra dire qu'il ne manquera pas, n'est-ce pas? On prenne qui pourra ensuite. Et donc, belle victoire de Diego Ulissi, effectivement, aujourd'hui au Grand Prix de Lugano. Voilà, bravo, bravo les gars. Très bien. On est là pour ça. Ok, donc, bien, l'émission donc touche à sa fin. Merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à laisser commentaire et pouce bleu si l'émission vous a plu. Et on se retrouve donc, bien, a priori, la semaine prochaine si tout va bien. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Au revoir. Au Au revoir. revoir. Au revoir.